بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons, inshallah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'explication du texte Umdat al-Fiqh. Ibn Qudama al-Maqdisi rahmatullah alayhi dit: Babu ma yufsidu sawma. Babu, la porte. Ma yufsidu sawma. Donc le chapitre concernant ce qui annule le jeûne. Donc la base concernant les annulatifs du jeûne, ce sont notamment les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala de Sourate al-Baqarah. Uhilla lakum laylat al-siyami ar-rafathu ila nisa'ikum. Donc le rapport avec vos femmes vous a été rendu licite la nuit, donc du jeûne, la nuit de la journée du jeûne. Ce qui sous-entend que ceci a été interdit la journée. Ça c'est mufhumul ayah, c'est le sens donc indirect du verset. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit wakulu, mangez, washrabu, et buvez, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Mangez et buvez jusqu'à ce qu'apparaisse donc la ligne blanche, le fil blanc du fajr, donc de l'aube véridique, le deuxième, qu'il se différencie, donc jusqu'à ce que se différencie le fil blanc du fil noir. Donc Allah dit mangez et buvez jusqu'à. Il donne ensuite une raya, une limite, jusqu'à ce qu'apparaisse le fil blanc, qu'il se différencie donc du fil noir. C'est-à-dire jusqu'à la levée, jusqu'au lever de l'aube. Ce qui implique aussi donc le sens indirect de ce verset, ce qu'on appelle en arabe mufhumu al-raya, donc le sens qu'implique cette limite imposé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est interdit de manger et de boire. Il est interdit de manger et de boire après que donc le fil blanc soit apparu. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de boire et de manger, donc c'est une autorisation de boire et de manger jusqu'à ce qu'apparaisse le fil blanc. Donc une fois que celui-ci apparaît, ce qui était permis avant cette limite est désormais interdit. Donc ça, ce sont les trois grandes familles de mufattirat, d'annulatifs. Boire, manger et le rapport. Et on le retrouve dans le hadith Qudusi, dans le hadith divin qu'on avait cité. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Kullu amal ibn Adam fahuwa lah illa siyam fahuwa li wa ana ajzibih » Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la rétribution. Qu'est-ce qu'il dit plus loin dans le même hadith? Yatruku ta'amahu, il délaisse sa nourriture, wa sharabahu, et sa boisson, wa shahwatahu, et son désir, min ajli, pour moi. Donc ça, ce sont les trois grandes mufattirat, les trois grandes causes d'annulation du jeûne. Et ce qui annule le jeûne est de deux catégories. Il y a l'entrant et le sortant. Il y a ce qui entre et ce qui sort. C'est pour ça que ça a été agencé dans cet ordre-là, dans le texte d'Al-Umda. Il va commencer par ce qui entre, rahmatullah alayh. L'imam Ibn Qudama va commencer par nous citer ce qui entre. Manger, boire, faire pénétrer quelque chose dans le nez, et il va ensuite généraliser en disant que tout ce qui entre dans le corps par quelque endroit que ce soit aussi est annulatif. On verra quel est l'avis que nous choisissons par rapport à cela. Ensuite, il passe à ce qui sort. Il a dit « Waman akala » celui qui mange, « Aw shariba » ou celui qui boit, « Aw ista'ata » ou bien celui qui fait pénétrer dans son nez quelque chose, « Aw awsala ila jawfihi shay'a » ou bien celui qui fait pénétrer quelque chose donc dans son « jawf » c'est-à-dire l'intérieur de son corps, « Min ayyi mawdi'in kan » de quelque endroit que ce soit. Tout ceci, ce sont des pénétrants, des entrants. Ensuite, il passe à ce qui sort, « Awistaqa afaqa » ou bien celui qui se fait vomir et qui vomit, « Awistamna » ou bien celui qui se masturbe. Donc là aussi, c'est un sortant, c'est le sperme. « Awqabbala » ou « Lamassa » ou bien celui qui embrasse ou bien touche donc une femme, sa femme ou bien une autre, fa amna et qui éjacule, ou amza ou bien qui voit donc son liquide préjaculatoire sortir, ou karrara nadar ou bien qui répète le regard, qui regarde plusieurs fois, donc une femme ou bien la sienne, hatta anzel jusqu'à ce qu'il éjacule, ou hajama ou bien qu'il fait la hijama, la signer à quelqu'un, ou ihtajama ou bien qui subit une hijama, amidan volontairement, dhakiran donc sans être en état d'oubli, li sawmihi fasad, donc cette personne voit son jeûne annulé. Donc on a compris l'agencement de tout ce qui a été cité par l'imam Qudama, par l'imam Ibn Qudama rahmatullah alayh. D'abord tout ce qui entre, puis tout ce qui sort. Donc il dit wa man akala aw shariba, celui qui mange ou bien qui boit, donc voit son jeûne annulé. Quelle est la preuve de cela? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons citée auparavant. Wa kulu et mangez, wa sharabu et buvez. Donc c'est la permission de boire et la permission de manger et la permission de boire. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, jusqu'à ce que se différencie, donc jusqu'à ce que vous voyez le fil blanc du fil noir. Donc le fil blanc du fajr du fil noir. Thumma atimmu as-siyam ila al-layl, puis complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. Donc ce verset est extrêmement clair, il y a ijma', consensus des savants. Donc il est permis de boire et de manger durant la nuit, du ghuroub, donc du coucher du soleil, jusqu'au lever de celui-ci. Donc le deuxième lever, al-fajr as-sadir. Ici il y a divergence sur l'extrémité, sur la limite jusqu'à laquelle on peut manger, mais nous on a dit que la vie authentique c'est le fajr saigne, le fajr sadiq, l'aube véridique. Donc ce que sous-entend ce verset-là, comme nous l'avons dit auparavant, c'est qu'au-delà de cette limite, donc lorsque le fil blanc apparaît, à partir de cette limite et au-delà, il est interdit donc de boire et de manger. Qu'est-ce que boire et qu'est-ce que manger? Qu'est-ce que boire et qu'est-ce que manger? Donc d'abord manger, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que manger donc dans la langue arabe. Et est-ce qu'on a une haqiqa shar'iyya, est-ce qu'on a une définition législative de manger? Si on n'en a pas, est-ce qu'on a une haqiqa urfiyya, est-ce qu'on a une définition donc reconnue comme telle au temps du prophète alayhi salatu wassalam par les gens? Et si ce n'est pas le cas, alors on revient à la définition de manger dans la langue arabe. Donc on n'a pas de haqiqa shar'iyya. On n'a pas donc dans le shar' quelque chose qui définit de manière délimitée qu'est-ce que manger et boire. Qu'est-ce que manger et boire. Et de même dans le urf, le sens du urf est plus restreint que le sens de la langue arabe. Dans le urf, mettre un caillou dans sa gorge, ce n'est pas manger. Mettre un morceau de tissu dans sa bouche et l'avaler, ce n'est pas manger non plus. Mais dans la langue arabe, c'est beaucoup plus large. Et les savants, sauf vraiment, ça a été rapporté par Yahya Tabi'i, Al-Hassan ibn Salih, rahmatullah, qui lui disait, rahmatullah, allez, que, par exemple, manger de la neige pour lui, hein, il mangeait al-barad, la grêle qui tombe du ciel. Et il disait aux gens qui lui disaient de ne pas manger parce que c'est le mois de Ramadan, il leur disait que ça n'entre pas dans wakulu wa sharabu. Car dans le urf, effectivement, ça ne renvoie pas à manger. Mais les savants sont unanimes là-dessus. Lui, c'est un tabi'i, les sahaba radiallahu anhum, et les savants aussi des siècles après, sont majoritairement, et je pense qu'il y a consensus, wallah a'lam, que le mot akl, donc qui est visé dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sens linguistique. C'est le sens linguistique. Et quel est ce sens-là, donc du mot ekl, du mot manger et du mot boire? Donc ekl, c'est isal jamidin ila al-jawf min al-fami walaw bi ghayri madrin walaw lam yutanawal 'adatan. Donc c'est le fait de faire atteindre à un solide l'intérieur du corps. Donc c'est ce que nous on va traduire par l'absorption. C'est le fait d'absorber. Donc un solide, par la bouche, donc n'entre pas l'entrée d'un solide à l'intérieur du cœur, du corps, par l'oreille, par l'anus, par le nez, par l'œil, tout ça, ça n'entre pas dans le mot ekl, ni dans le urf, ni dans la langue arabe. Hein? Quelqu'un qui se met du riz dans l'oreille, au temps du prophète, c'est le même aujourd'hui, même dans le urf français, on ne dit pas il mange du riz. On dit il se met du riz dans l'oreille. Hein? On ne dit pas il mange du riz. Donc dans l'urf, ni du prophète al-Satem, ni même dans l'urf occidental. Donc qu'est-ce que el-ekl? On revient à la définition de el-ekl dans la langue arabe. Donc c'est absorber un solide, donc faire atteindre un solide à l'intérieur du corps par la bouche, donc ça c'est important, c'est un critère qui est extrêmement important. Voilà ou bighayr madrin, même sans mâcher, même sans mastication. Voilà ou lam yutana wal ada, même si on ne le mange pas habituellement, même si c'est quelque chose qu'on n'absorbe pas habituellement. Donc dans le urf, mettre un caillou dans sa bouche et l'avaler, ce n'est pas manger. C'est absorbé. C'est absorbé. Dans le urf, na'am, ce n'est pas manger. On dira, cette personne, il a absorbé un caillou. Moi, je parle du urf des Arabes. Il ne faut pas raisonner sur le urf, sur ce qui est reconnu comme tel dans notre ambiance. On parle du urf du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. De même, avaler un fil, ça n'entre pas dans le ekl, dans le sens urfi. Mais le sens qui est pris ici, c'est le sens linguistique, car tous les savants donc, prennent ce sens-là. Donc que ce soit par la bouche ou une autre voix, ça n'entre pas dans le ekl, ça n'entre pas dans le fait de manger, ni dans le urf, ni dans la langue arabe. Mais dans la langue arabe, le ekl, hein, il n'y a donc manger, ER, que s'il y a absorption par la bouche. S'il y a entrée par l'oreille, par l'anus ou autre, il n'y a pas mangé. Qu'est-ce qu'on entend par ash-shurb, le fait de boire? Isalu ma'in ila al-jawfi min al-fam. C'est le fait donc de faire pénétrer dans l'intérieur du corps un liquide par la bouche. D'accord? Donc manger, c'est faire pénétrer un solide par la bouche, même sans mâcher. On précise ça, même sans mâcher, même si c'est quelque chose qu'on n'absorbe pas d'habitude. Même si c'est quelque chose de nocif, même si c'est quelque chose de haram. Tout ceci entre dans al-ekl. Boire, c'est faire pénétrer un liquide par la bouche à l'intérieur du corps. Même si c'est quelque chose de haram, même si c'est quelque chose qu'on ne boit pas habituellement, du poison. Par exemple, ça entre dans ash-shurb. Donc, qu'est-ce que l'on tire de cela? C'est qu'on a une spécificité d'un point de vue et une généralité d'un autre. Par rapport à l'entrant, on a une généralité. Tout entrant, donc, peut être intégré à la définition de boire et manger. Comprenez quand je veux dire entrant? Le caillou, c'est un entrant. Il entre par la bouche. Ça, c'est manger dans le sens linguistique? Oui. Le riz, il entre par la bouche, c'est manger? Oui ou non? Oui. Un morceau de verre qui entre par la bouche, c'est manger? Oui. Donc, tout entrant qui entre par la bouche, donc, est considéré comme faisant partie, donc, faisant partie intégrante de la définition du manger ou bien de boire. Concernant les voies prises en considération pour dire qu'il y a eu manger ou bien qu'il y a eu donc boire, là on a une spécificité. C'est qu'on prend en considération que la bouche seulement, et on verra qu'on va ajouter le nez parce que la charia l'a pris en considération. Donc boire et manger, c'est faire pénétrer un solide par la bouche, et boire, c'est faire pénétrer un liquide par la bouche. C'est clair, Inch'Allah? Donc il a dit, وَمَنْ أَكَلَ au shariba, celui qui mange et celui qui boit. Et là-dessus, donc, il y a ijma', que manger et boire, ce sont des annulatifs donc du jeûne, par rapport au verset d'Al-Baqarah, et manger, buvez jusqu'à ce que vous voyez le fil blanc du fil noir, du fajr, et aussi par rapport au hadith Qudusi, il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi. Il dit ensuite awista'ta. Awista'ta, ça c'est un istif'al min as-sa'ut. Ista'ta. As-sa'ut, c'est le fait de mettre un médicament par le nez. C'est quelque chose qu'il faisait avant, donc il mettait un médicament par le nez. Le fait de se mettre du miel, le fait de se mettre de l'huile, le fait de se mettre quoi que ce soit par le nez, on appelle ça as-sa'ut. Donc as-sa'ut, ça aussi c'est annulatif, donc du jeûne, si jamais donc ceci entre dans le nez, hein, si jamais ceci entre dans le nez et qu'on en ressent le goût ensuite donc dans la gorge. Si jamais ça entre dans le nez et que ça passe ensuite dans la gorge, ceci est annulateur du jeûne. Quelle est la preuve de cela? C'est le hadith de l'Aqit ibn Sabura, ou bien Sabira, on avait déjà dit, radiallahu anhu, ce hadith-là, lorsqu'on avait parlé des sunan, des actes recommandés dans les ablutions, il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de l'informer au sujet des ablutions. Qu'est-ce qu'il a dit? Men yujib, qui répond? Balir filistin shaq, wa balir filistin shaq, illa antakuna sa'iman. Il a dit, asbiril wodo, donc parfait tes ablutions, c'est-à-dire recouvre complètement la peau. Wa khallil bayn al-asabi' et fais passer l'eau entre les doigts. Wa balir fil istinshaq, vous souvenez pas de ce hadith là? Wa balir fil istinshaq et exagère l'istinshaq. Prononce-le, inspire bien l'eau illa an takuna sa'iman. Sauf si tu es en état de jeûne. Sauf si tu es en état de jeûne. Qu'est-ce que l'on prend de ce hadith là? Que le nez est pris en considération comme étant une voie amenant à l'intérieur du corps et qui est donc une cause d'annulation des ablutions. Sinon, il n'y a pas de sens à ce que le prophète alayhi salatu wassalam mette en garde l'Aqit ibn Sabura de exagérer donc son istinshaq, qui est l'aspiration donc de l'eau par le nez. Il n'y aurait pas de sens à ce qu'il le mette en garde contre cela si jamais il n'y avait pas de danger par rapport au jeûne. Donc le nez aussi est une voie supplémentaire que l'on prend en considération. C'est une voie supplémentaire que l'on prend en considération. Donc la pénétration de quoi que ce soit par le nez, hein, et qui passerait ensuite donc à l'intérieur du corps, est annulateur donc du jeûne. Ce hadith-là, il est rapporté par les trois. Le hadith de la Qit ibn Sabura. Qui sont les trois? C'est les quatre sauf Ibn Majah. C'est les quatre sauf Ibn Majah. An-Nasa'i, Tirmidhi, Abu Daoud. Ce sont eux les trois. Et c'est un hadith qui est authentique. Il dit ensuite Aw sala ila jawfihi shay'a. Ou bien aussi, il y a des versions de l'Umda Aw sala ila jawfihi shay'un. Donc, si jamais il fait atteindre à son jawf, donc l'intérieur du corps, quelque chose. Il dit min ayi mawdi'in kan, de quelque endroit que ce soit. Donc ça c'est le madhhab. Dans le madhhab, s'il y a entrée de quoi que ce soit par l'oreille, par l'anus, par l'œil. Donc la bouche et le nez, on n'en parle pas, ça c'est clair. S'il y a pénétration donc de quoi que ce soit par quelque endroit que ce soit à l'intérieur du corps, il y a annulation du jeûne. Il y a annulation du jeûne. Par qiyas sur la bouche et le nez. Mais le qiyas, comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, Allah Alam, il est faible. Il est faible. Donc comment est-ce qu'il raisonne? Ils disent que dans le hadith de l'Aqid ibn Sabura, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a pris en considération une voie, V-O-I-E, qui n'est pas une voie classique par laquelle passe la nourriture. La voie classique par laquelle passe la nourriture, c'est la bouche. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a pris en considération le nez, ce qui prouve bien, parce que le nez n'est pas une voie classique, ordinaire, par laquelle passe la nourriture, que toute voie non ordinaire donc a le même statut et qu'il y a donc annulation. Mais Allah alam, c'est que la base, il ne peut pas y avoir qiyas sur la bouche, car c'est pas ma'qul al-ma'na, ça. On ne comprend pas la cause réelle de ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça annule, bon, ça annule. Bon, même si eux trouvent des hilal, ben, on ne s'allonge pas là-dessus. Mais la base, on a donc le texte qui nous parle de ekl, on a défini l'ekl, le fait de manger, donc c'est la pénétration d'un solide par la bouche, quel qu'il soit, et la définition du shurb, de la boisson, du fait de boire, c'est la pénétration d'un liquide par la bouche. Donc le texte, il est clair là-dessus. Tous les savants disent que wakulu wa sharabu, ce verset-là, manger et buvez, il ne prend en considération que la bouche. Que la bouche. C'est-à-dire, même quand dans le hadith de l'Aqid ibn Sabura, lorsqu'il fait pénétrer de l'eau par son nez en exagérant l'istinchar, ils ne disent pas que ça c'est un shurb. Ils ne disent pas que ça c'est boire. Donc la définition de boire et manger, elle ne prend en considération que la bouche. Ensuite, pour prendre en considération une autre voie, il faut un texte. On a le texte pour le nez, on n'a pas le texte pour le reste. On n'a pas de texte pour le reste. Fa'Allah a'lam, ce qui entre par l'œil, l'oreille, l'anus, ou bien même le pénis, et là-dessus même le madhhab dit que al-ihli l'urètre, donc ce n'est pas annulatif, car ça amène à la vessie, donc ça n'amène pas à l'appareil digestif. Donc tout cela, wallah a'lam, tout entrant par cet endroit-là, n'annule pas le jeûne. Hein, n'annule pas le jeûne, car ça demande des preuves, wallah a'lam. Même si l'œil, hein, l'œil paraît être quand même une voie amenant à l'intérieur, car par expérience, na'am, ça amène à l'intérieur. Et on verra par rapport au kuhl, même si ce n'est pas cité ici, c'est cité dans Zad Mustaqni'a, dans l'Umda, il ne parle pas du kuhl. Mais l'imam Ahmad rahimahullah a dit qu'un homme m'a raconté qu'il avait mis du kuhl donc dans ses yeux et qu'il en a trouvé donc dans sa gorge en le recrachant. Et effectivement, ça par expérience, c'est quelque chose de vécu. Celui qui a déjà mis du kuhl, notamment en grande quantité, il verra que il se peut qu'il le crache. Mais dans tous les cas, ça demande un dalil quand même pour dire que le kuhl, lorsqu'il pénètre dans l'œil et que même s'il arrive à la gorge, il annule le jeûne, Allah alam, ça demande une preuve, car le kuhl était utilisé au temps du prophète alayhi salatu wasalam et on n'a pas réellement de hadith authentique concernant cela. Allah alam. Donc qu'est-ce qu'on prend en considération? La bouche et le nez, seulement. La bouche et le nez. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, donc l'imam ibn Qudama, aw istaqa afaqa. Et s'il provoque le vomissement, aw istaqa'a, hada istif'alun min al-qay. Tout à l'heure, j'avais dit aw istata istif'alun min as-sa'ud. Qu'est-ce que je veux dire par istif'al? L'istif'al, c'est-à-dire c'est la construction du verbe. Istif'al. On a un sin et un ta qui sont ajoutés. À la base, quand on parle de verbe, au début, on commence par le verbe trilitaire, c'est le fa, le ayn et le lam, fa'ala. Fa'ala. Le verbe kataba, il est construit selon le verbe fa'ala. Ka fa ta a ba la. On met en le fa'ala. On a combien de lettres? On a trois lettres. Pour ça, on dit c'est un harf, c'est un fi'l thulathi, un verbe trilitaire. Vous avez déjà vu ça dans certains livres? Vous avez jamais vu ça? Jamais feuilleté un livre de grammaire en français. Fa'ala, on a combien de verbes, combien de lettres? La première, deuxième, et troisième. Ouais, on ne dit pas fa'ain lem normalement. Bon, fa'ala, même fa'ala, c'est pas ça. On dit fa'ala, fa'ala. Kataba, on le superpose. Ka, ça a pris la place de ta. Ba, la place du de la. D'accord. Kharaja, c'est aussi selon fa'ala. D'accord? Oui ou non? Bon. Alima, c'est sur la construction de fa'ila. D'accord? Alima. Fa'ila. Ensuite, on peut rajouter des verbes. Tout à l'heure, on a dit yufsidu sawma, ça annule le jeûne. Le passé de ça, c'est afsada. Afsada. À la base, c'est le verbe fasada. Selon la construction, fa'ala. Afsada, qu'est-ce qu'on a rajouté au début? Une hamza. Hamza. Donc, c'est selon la construction afala. D'accord? Là, on a istaqa. Istaqa. Donc, ça, c'est selon la construction ifa'ala. Non, istafa'ala. Le verbe là-bas, c'est qa'a. Qaf, alif, hamza. Ça, c'est les trois lettres qui remplacent fa'ala. Qa'a. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Si istafa'ala, on a hamza avec kasra, sin, ta, fa, ayn, lam. Donc, on a les trois lettres qui sont après le sin, ta. Donc là, on a istaqa'a. On avait qa'a au début. On a rajouté au début ista, comme pour istaf'ala, istaqa'a. C'est pour ça que je dis c'est un istif'alun min al-qay. Istif'alun min al-qay. On le prend du masdar. Pourquoi masdar? Masdar, ça veut dire source. Par exemple, tu me ramènes un hadith, je te dis itini bil masdar. Rapporte-moi le masdar. Tu vas chercher un masdar dans les verbes. Tu me rapportes un hadith. Masdar, ça veut dire la source. Pourquoi on appelait le masdar masdar? Parce que l'ishtiqaq, tout est pris de là. Le verbe est pris de là. Qa'a, c'est pris de qay. Certains savants disent que c'est le contraire, mais c'est le masdar. D'où est pris le reste. D'accord? Mafoum? Allez, c'est une parenthèse. Donc, istaqa'a faqa'a. Il a provoqué le vomissement, parce que le sin et le ta, c'est pour talab. C'est pour ça que j'ai dit Assin wa tel et talab. Talab al-qay'a. Donc il a mis les doigts dans la gorge et il a essayé de vomir. Ça annule le jeûne? S'il vomit. Voilà, s'il vomit. C'est pour ça qu'il a dit fa. Donc fa. At-taqib. Fa-qa'a. Aou istaqa'a. Ou bien il a essayé de se faire vomir. Fa-qa'a. Et il a vomi. Ça aussi, ça annule. Le fait de provoquer le vomissement et de vomir. Donc s'il provoque le vomissement, même 5 minutes, il met les doigts et il est en train de s'égosiller, mais ça ne sort pas, donc ça n'annule pas ça le jeûne. En revanche, s'il vomit, ne serait-ce qu'une goutte, ça annule son jeûne. Même si dans le madhhab, certains disent qu'il faut que ça ait le volume donc de la bouche pour que ça annule, mais ça demande d'alil, wallah alam. Et le prophète A.S. a dit que mutlaqan, de manière absolue, le fait de provoquer le vomissement, s'il y a vomissement, c'est annulé. Donc, imposer une quantité minimale hein, en deçà de laquelle il n'y a pas annulation du jeûne, ça demande un délit. Donc, quel est le hadith prouvant cela? Car il faut un délit. On ne peut pas comme ça, par ses passions, dire que celui qui provoque le vomi est vomi. Donc, voit son jeûne annulé, car tout ça, c'est tawqifi. Tout ceci demande des textes du Coran, de la Sunna ou bien ijma'. C'est le hadith suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي رواه الخمسة إلا النسائي. Donc Abu Huraira رضي الله عنه dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit من ذرعه القيء, celui qui vomit involontairement, donc celui qui est battu par le vomi donc prend le dessus et sort malgré lui. Donc cette personne-là ne doit pas rattraper sa journée durant laquelle il a vomi involontairement, car le vomi a pris le dessus, c'est involontaire. Donc, et celui donc, qui provoque le vomissement volontairement, qu'il rattrape. Donc cette journée-là, rawahu al-khamsa ila an-nasa'i, rapporté par les 5 sauf an-nasa'i. Donc c'est At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et Ahmed. Les 5 sauf an-nasa'i, ce sont ceux-là. Donc celui qui, par exemple, prend la route avec quelqu'un, il est derrière dans la voiture, il est en montagne, et il jeûne, il a le vertige, et il vomit. Son jeûne est annulé? Non, son jeûne n'est pas annulé. Mais celui qui met les doigts ou autre hein, pour provoquer le vomissement et qui se voit vomir, alors doit rattraper cette journée-là selon le hadith que nous avons cité. Il dit ensuite, rahmatullah alayh, aw istamna, ou bien si s'il se masturbe, aw qabbala, ou bien qu'il embrasse, aw lamasa, ou qu'il touche, donc il embrasse une femme, et aujourd'hui même il y a, Allah salam, des hommes, même si atlaqa al-musannif, je n'ai pas trouvé de charh où il parle de ça, de l'homme, mais na'am al-hukm wahid, c'est le même hukm qu'Allah nous préserve. Ou bien qu'il touche fa'amna, et qu'il a une éjaculation. Donc celui qui se masturbe voit son jeûne annulé. Celui qui embrasse ou bien qui touche une femme ou bien un homme même, qu'Allah nous préserve de cet égarement, de ce péché, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, fa'amna, et qui ensuite éjacule, ou bien amda, ou bien qui voit le liquide pré-éjaculatoire que nous avions décrit dans Kitab Tahara lors de la purification, ou bien qui voit ce liquide pré-éjaculatoire sortir, alors à son jeûne annulé. Dans le madhab, on va voir quelle est la vie que nous choisissons, inshallah. Donc celui qui se masturbe, na'am, oui, il voit son jeûne annulé. Car c'est une shahwa kubra, c'est un grand désir, c'est le grand plaisir. Et ceci entre de manière certaine dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir. » Et son désir. Et il faut savoir que la masturbation est interdite en islam. Ça, j'espère, inshallah, que c'est clair pour tous. Même si certains ont fait des fatwas parmi les contemporains qui sont des fatwas qui sont invalides. Donc la masturbation est interdite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ, et ceux qui préservent leur partie. Et entre là-dedans, donc comment est-ce qu'on préserve notre farge, comment est-ce qu'on la préserve? C'est par le mariage, et en ne forniquant pas, et aussi en ne se masturbant pas. فَمَنِ بَتَغَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Et ceux-ci donc qui vont au-delà de cela, ce sont ceux qui ont transgressé. Donc la masturbation est interdite, et en plus il y a beaucoup de conséquences néfastes en termes de santé. Ça provoque après des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour la personne. Et ça ne relève pas du comportement du musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, donc par le biais de son prophète alayhi salatu wa salam, dans le hadith authentique, a donc exhorté, voire ordonné les jeunes de se marier lorsqu'ils en ont la capacité. S'ils n'en ont pas la capacité, donc pour faire face aux tentations qui les entourent, il leur a ordonné de jeûner. Ya ma'ashara al-shabab, au jeûne man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, celui qui est capable, donc qu'il se marie. Fa'innahu araddu l'ilbasar wa ahsanu l'farj, c'est mieux pour l'abaissement du regard et la protection des parties. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm, et celui donc qui ne peut pas, donc il jeûne. Donc les fatwas qui disent que le jeune qui a peur de forniquer et qui donc pour diminuer son désir il lui est permis de se masturber, ce sont des fatwas qui vont à l'encontre donc du verset que nous avons cité dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi du hadith du prophète alayhi sallam, qui est quelqu'un qui donc ne nous a pas montré un bien sans nous guider vers celui-là, et ne nous a pas et n'a pas laissé un mal sans nous mettre en garde contre ce dernier. Donc s'il y avait un bien dans la masturbation, et c'est quelque chose de connu depuis bien avant d'ailleurs l'époque du prophète alayhi sallam, le prophète alayhi sallam aurait donc ordonné cela aux jeunes donc qui auraient peur de tomber dans la fornication. Donc c'est un acte à délaisser. C'est un acte à délaisser. De manière obligatoire, c'est haram, c'est illicite. Donc celui qui se masturbe et donc l'istimna, donc par rapport à ce qu'on avait dit, ça c'est istif'alun minal istamna. Istifa'alun minal mani. فعل من المني. Donc c'est talabu al-mani, c'est le fait de demander, de provoquer la sortie du sperme. Donc celui qui se masturbe, qui ne voit pas de sperme sortir, hein, donc il n'éjacule pas, est-ce que son jeûne est annulé? Est-ce que son jeûne est annulé? Non. Son jeûne n'est pas annulé. Mais il n'a pas le droit de faire cela. Il n'a pas le droit de faire cela, même s'il n'y a pas éjaculation. Ou qabbala. Ou bien s'il embrasse et qu'il éjacule. Donc si jamais quelqu'un embrasse sa femme ou une femme et qu'il éjacule, l'imam Ibn Qudama rahmatullah alayhi dit que son jeûne est annulé. Ici, par rapport au fait d'embrasser, donc il y a détail. Car ce n'est pas le fait d'embrasser en soi-même qui est annulateur du jeûne. Le fait d'embrasser, ça n'annule pas le jeûne. S'il n'y a pas éjaculation, hein, il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il n'y a pas annulation du jeûne. Tout comme la masturbation, s'il n'y a pas éjaculation, il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il n'y a pas annulation du jeûne. On parle ici donc de choses qui causent l'annulateur, hein, qui causent l'annulateur. Et quel est l'annulateur? C'est la sortie de sperme. Donc c'est la sortie de sperme qui en elle-même annule donc le jeûne. Donc le fait d'embrasser, hein, le fait d'embrasser, il y a des tailles. Dans le madhhab, donc celui qui a du désir, hein, comme c'est le cas de la plupart des jeunes, hein, même de la plupart des hommes, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un état très avancé, à un âge avancé. Donc si cette personne a donc des désirs et il a une pensée prépondérante que si jamais il embrasse donc cette femme-là, il va éjaculer. Il va éjaculer. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais ça existe. Il y a des gens qui sont d'une sensibilité extrême. Donc si jamais il a une pensée prépondérante ou bien la certitude, donc par expérience, que si jamais il embrasse cette femme-là, il lui est alors interdit d'embrasser. Donc il lui est interdit d'embrasser, ça c'est, on parle de sa femme. On parle de sa femme. Si jamais, parce qu'à la base embrasser sa femme c'est permis, mais si pour embrasser une autre femme, une ajnabiya, une femme étrangère, embrasser cette femme-là, c'est interdit pour soi-même. Le baiser en lui-même est interdit. Mais est-ce qu'il est annulatif du jeûne? Oui ou non? Non. Non. Le fait d'embrasser une femme, comme cela, ça n'annule pas le jeûne, même si c'est un baiser qui est interdit. Donc embrasser sa propre femme, parce que quand on dit le baiser est alors interdit, c'est seulement pour l'épouse. Hein. Pour l'autre, il est interdit à la base. Donc on ne va pas dire il est alors interdit. C'est compris, Inch'Allah. Donc là, on parle à la base d'embrasser sa propre femme. Embrasser son épouse, à la base, en dehors du jeûne, bon ben ça fait partie du quotidien. Et c'était la voix du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il entrait chez lui, il embrassait ses épouses, et de même aussi quand il sortait de la maison, alayhi salatu wassalam, comme on l'avait vu dans le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui disait que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, sortait pour aller à la mosquée, il embrassait donc ses épouses. Donc premier cas, la personne a des envies, un fort désir, il a du désir, c'est quelqu'un qui éprouve donc du plaisir lorsqu'il embrasse une femme, notamment son épouse. Si jamais il a la certitude ou bien une pensée prépondérante qu'il va éjaculer après le baiser, il lui est alors interdit. Il lui est alors interdit de faire ce baiser-là. Deuxième cas, donc c'est toujours quelqu'un qui a du désir, qui a ce qu'on appelle shahwa, mais il a une pensée prépondérante. Il a une pensée prépondérante que lorsqu'il embrasse sa femme, il n'y a strictement rien, il ne risque pas d'éjaculer, ou bien non plus pas de voir la situation prendre de l'ampleur et après d'en arriver à autre chose, au rapport sexuel ou autre. D'accord ? Donc ce n'est pas simplement ce qui est pris en compte par rapport à la pensée de celui qui va faire le baiser, est-ce que je vais éjaculer ou pas suite à ce baiser-là ? Si jamais je sais que lorsque je fais un baiser, après je vais plus loin, hein, que ça prend de l'ampleur jusqu'à peut-être arriver au rapport sexuel, donc c'est le même détail. Celui qui est sûr de cela, c'est interdit pour lui d'embrasser sa femme parce qu'il sait que ça va aller plus loin. Et celui qui a une pensée prépondérante qu'il n'y a, il n'y aura rien, dans le madhhab, c'est makruh. Dans le madhhab, c'est makruh. Allah a'lam, la base, c'est que c'est permis. On verra. C'est permis, incha'Allah. Car le prophète, alayhi salatu wasalam, le faisait. Hein. Mais comme dira Aïcha, c'est vrai que c'était celui qui maîtrisait le plus donc, son désir. Mais Omar, radiallahu anhu, dans le hadith authentique, il est venu au prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, j'ai fait quelque chose donc, de vraiment grave aujourd'hui. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai embrassé ma femme. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a dit, vois-tu, si tu faisais la madmada, qui est le fait de faire pénétrer de l'eau dans la bouche et le recracher, il lui a dit, vois-tu, si tu faisais la madmada en état de jeûne? Et Omar lui a dit, il n'y a rien, il n'y a pas de problème à cela. Alors le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a dit, donc, fafima. Il a dit, fafima. Alors pourquoi est-ce que tu penses que il y a alors que tu as fait une catastrophe, quelque chose de grave? Et il ne lui a pas dit que c'est makruh ou quoi que ce soit. Donc Allah a'lam, à la base, celui qui sait que s'il embrasse sa femme, il n'y a aucune conséquence, pas de risque de sortie, de sperme ou bien que ça s'emballe vers autre chose, il lui est permis, bihawlillah azawajal. Donc le troisième cas, c'est s'il n'a plus de désir. Donc ça c'est dans le madhhab, et c'est la vie que l'on va choisir, inshallah, donc pour le vieux et la vieille. Ici aussi, il y a donc, détail, dans le madhhab, il y a deux versions. Hein? Certains disent makruh, et d'autres ont dit que ce n'était pas makruh. Wallah alam, ce n'est pas makruh, car on a dit que même pour celui qui a le désir, ce n'est pas makruh en raison du hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et notamment, le hadith suivant va nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, donc il embrassait ses épouses alors qu'il était en état de jeûne. An Aisha radiallahu anha, kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'im wa kana amlakakum li irbih, muttafaqun alayhi. Donc selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et touchait donc ses épouses alors qu'il était en état de jeûne. Elle dit, mais elle a ajouté ensuite Aïcha, elle ne s'est pas arrêtée là, donc elle a donné une information de laquelle ont tiré certains savants que c'était makruh, wa kana amlakakum li irbih ay li shahwati, muttafaqun alayhi. Et c'était celui qui maîtrisait le plus donc ses désirs, ses envies, alayhi salatu wa salam. Donc de cet ajout de Aïcha, de cette information qu'elle a donnée aux compagnons, hein, qui sous-entend que le baiser et le fait de toucher son épouse peuvent aller plus loin, elle a dit, mais le prophète alayhi salatu wa salam était celui qui maîtrisait le plus son désir. Mais on a le hadith de Omar radiallahu anhu, et c'est la base que c'est permis. Donc effectivement, le prophète alayhi salatu wa salam était celui qui se maîtrisait le plus, donc de par sa maîtrise, il se permettait d'embrasser et toucher, donc celui qui aussi sait qu'il a une maîtrise, donc peut aussi embrasser donc sa femme et la toucher, muttafaqun alayhi, le hadith est unanimement reconnu authentique. Donc il a dit, celui donc qui se masturbe, celui au qabbala, ou bien celui qui embrasse, et qui donc a une éjaculation, hein. Donc on a donné l'information comme quoi le fait de simplement embrasser, ce n'est pas là-dessus qu'il y a annulation du jeûne, ou bien qu'il touche. Si jamais il touche donc son épouse, ou bien une autre femme, donc le fait de toucher une autre femme c'est haram à la base, et le fait de toucher sa femme c'est permis, mais ici on a le même détail, hein, sur le fait de toucher sa femme. Celui qui sait que s'il va la toucher, il a un fort désir et ça va donc provoquer une éjaculation, ou bien ça risque de l'amener jusqu'au rapport, c'est alors pour lui interdit. Celui qui a une pensée prépondérante qu'il se maîtrise et qu'il n'y a pas de conséquences à cela, c'est donc permis pour lui, inshallah. Et tel est le détail, bihawlillahi azza wa jal, que l'on choisit, que l'on adopte. Il dit, ou amza, ou bien si jamais il y a sortie de liquide pré-éjaculatoire. Donc s'il y a sortie de sperme, il y a annulation du jeûne. Et ici dans le madhhab Hanbali, Ibn Qudama rahmahullah a choisi l'avis que s'il y a sortie de liquide pré-éjaculatoire, aussi il y a annulation du jeûne. Donc ça c'est l'avis du madhhab, dans d'autres madhhab, et beaucoup de contemporains, Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymeen rahmahumullah, et dans d'autres écoles aussi, ce n'est pas annulateur du jeûne, hein, mais cet avis reste tout de même fort, car ça entre quand même dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa shahwatahu, et son désir, et il délaisse son désir. Car c'est un plaisir qui a fait qu'il y a sorti de liquide préjaculatoire. C'est parce qu'il y a eu baiser, c'est parce qu'il y a eu toucher, c'est parce qu'il y a eu toutes ces choses-là qu'il y a eu sortie préjaculatoire, de liquide préjaculatoire, et s'il n'y avait pas eu ces choses-là, il n'y aurait pas eu sortie. Et ce liquide-là, on sait très bien qu'il sort lors de la petite shahwa, lors du petit plaisir. Et que c'est l'introduction donc au grand plaisir qui donnera lieu à la sortie de sperme. Donc de ce point de vue-là, c'est fort. Allah alam, ça reste une divergence assez forte. Wal ilmu indallah. C'est l'avis du madhhab. Allah alam. Allah alam, il n'y a pas vraiment de délil assez fort pour dire que simplement le sperme lui seul provoque l'annulation du jeûne. Et on avait dit qu'on sortait des paroles du madhhab que s'il y avait donc un avis qui est fort. Allah alam, celui qui, notamment par précaution, s'il y a sorti donc de liquide préjaculatoire après baiser, après toucher, pas sorti comme cela. Donc si jamais la personne se masturbe, qu'elle n'éjacule pas et qu'il y a sorti de liquide préjaculatoire, dans le madhhab, quel est l'avis? Le jeûne est annulé. S'il y a baiser, sorti de liquide préjaculatoire, annulation du jeûne. S'il y a touché et ensuite donc de la femme, ou bien d'un homme, qu'Allah nous préserve, et il y a sorti de liquide préjaculatoire, que dit le madhhab? Annulation. Il y a annulation. Il dit au karrara nadara, ou bien si jamais il répète le regard. Au karrara minat tikrar. Donc s'il y a répétition, s'il répète le regard, hatta anzal, jusqu'à ce qu'il éjacule, jusqu'à ce que la personne éjacule. De même, alors le jeûne est annulé. Donc, qu'est-ce que l'on tire de l'expression ici d'Ibn Qudama? C'est que s'il n'y a pas donc répétition du regard, si c'est le premier, même s'il y a éjaculation, alors il n'y a pas annulation du jeûne. Il n'y a pas annulation du jeûne. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par premier regard? C'est un premier regard qui est licite, hein, soit en lui-même, ou soit la sharia a déchargé la personne du péché. Donc, comme regarder sa femme, hein, c'est licite ça. Donc celui qui regarde sa femme une fois et qui éjacule, ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens, moi j'ai eu des témoignages de gens comme ça. Donc la personne regarde sa femme et ensuite le plaisir se crée et il éjacule. Est-ce qu'il y a annulation du jeûne ici dans le madhhab? Non. Non, car il n'y a pas eu plusieurs regards. Mais si jamais le désir se crée et il sent qu'il va éjaculer s'il continue de regarder, alors il lui est demandé de détourner son regard, même si à la base le regard de sa femme est permis, parce que ici, pour ne pas arriver à quelque chose qui annule le jeûne, cette chose-là alors devient interdite. De même pour le regard, regarder la femme interdite. Regarder la femme qu'il n'est pas permis de regarder, donc à l'ajnabi, à l'étrangère. Donc celui qui regarde une femme étrangère, le premier regard, ce qu'on appelle « nadaratul fajaa », le regard, donc, par surprise, tes yeux tombent sur cette femme-là, tu n'es pas pris à défaut par rapport à ce regard-là, et tu n'as pas de péché. Et si, après ce regard-là, il y a désir et éjaculation, de même, il n'y a pas annulation du jeûne. Car l'éjaculation a eu lieu après quelque chose, donc qui n'est pas haram en soi-même. Enfin, en soi-même, c'est haram, mais dans ce contexte-là, ce n'est pas haram. Mais ici, c'est bien lorsqu'il y a eu regard par surprise. Si quelqu'un, par exemple, est dans un couloir et il entend des bruits de talons derrière lui, et il se retourne, premier regard, il voit cette femme là il savait qu'en se tournant il allait tomber sur une femme qui est étrangère, à ce moment là s'il y a éjaculation, il y a annulation du jeûne, et ce regard là il est haram, parce qu'il sait qu'il y a une femme qui est étrangère et qu'il n'a pas le droit de regarder. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, que Cheikh Al-Albani que Cheikh Al-Albani rahimahullah authentifie, il a dit « Ya Ali », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Ali, oh Ali, la tutbi'i nadaratan nadara » ne fais pas suivre le regard par un autre regard. « Fa innal oula, فإن لك الأولى, le premier pour toi, وليست لك الآخرة, et l'autre n'est pas pour toi. Donc le premier regard est pour toi, c'est-à-dire tu n'as pas de péché, mais en revanche le second, il est contre toi, et c'est un ithme, c'est un péché. عن جرير رضي الله عنه, dans le même sens, donc جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة. Il dit j'ai questionné le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم au sujet du regard, donc par coïncidence, c'est-à-dire j'ai posé mes yeux sur une femme que je n'avais pas le droit de regarder par coïncidence. فأمرني أن أصرف بصري. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام m'a ordonné de baisser mon regard. رواه الترمذي وصححه. Rapporté par le Tirmidhi qui l'a authentifié. Donc là, on a fini ce qui sort, ce qui entre du corps, on l'a fini. Et on a commencé ce qui sort du corps à partir du vomissement. Et là aussi, on a donc le dernier sortant du corps, c'est Al-Hijama. Il dit « Aw hajama, aw ihtajama ». Si jamais il fait la hijama à quelqu'un, ou bien qu'il subit la hijama, il dit « De même, ça annule le jeûne ». Ça, c'est dans le madhhab Hanbali. Et beaucoup de contemporains aussi choisissent cet avis-là. Wallahu a'lam. Et bihawlillahi azza wa jal, incha'Allah, ça n'annule pas le jeûne. Sur quelles preuves se sont basés donc ceux qui ont dit que c'est annulé le jeûne? Sur le hadith suivant, le hadith donc de Rafi' ibn Khadij. An Rafi' ibn Khadij, radiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي والحديث صحيح إن شاء الله. رافي ابن خديج رضي الله عنه a dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, donc celui qui fait la hijama, on va appeler ça la saignée entre guillemets, même si c'est pas réellement le vrai mot, parce que les saignées contemporaines ne sont pas des hijamas comme elles sont faites par les musulmans, Allah alam, aftar al-hajim, celui qui fait la saignée, la hijama, donc a annulé son jeûne, wal mahjoum, celui qui a subi donc la hijama, la saignée. Le hadith est rapporté par Ahmed al-Tirmidhi, il y a une longue divergence sur son authenticité, mais Inch'Allah, il est authentique chez beaucoup de grands savants. Donc ce hadith est clair. L'histoire, c'est que le prophète alayhi salatu wasalam est passé devant deux personnes, donc l'une qui faisait la hijama à une autre. Et il a dit aftara al-hajim wal-mahjoum. Et l'asl, la base, c'est de prendre donc le hadith au sens donc littéraliste. C'est que le jeûne de celui qui fait la saignée de celui qui l'a subi donc est annulé. Ça, c'est la base. D'autres ont dit que le passé, il est utilisé donc dans la langue arabe pour dire que l'action n'est pas loin d'arriver, n'est pas loin d'être réalisée. Comme on dit à quelqu'un, ihtaraqt, ihtaraqt, tu as brûlé, parce qu'il se rapproche donc du feu. Ou bien parce qu'il a fait des péchés extrêmement graves, dont le devenir est d'aller dans le feu, ihtaraqt, ihtaraqt, c'est grave ce que tu as fait. Donc l'arabe utilisait le passé pour exprimer donc une action qui n'est pas loin d'être réalisée. Mais là-bas, c'est le sens. Donc, littéraliste qui doit être prise en compte. Donc, ce hadith-là, par rapport au hadith que l'on va voir, il est, wallahu a'lam, abrogé. Il est abrogé, wallahu a'lam, et c'est l'avis que beaucoup ont choisi. Donc, le premier, c'est le hadith d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, ihtajama wa huwa muhrimin. Ihtajama wa huwa muhrimun, wa ihtajama wa huwa sa'imun, rawahu al-Bukhari. Donc, dans Sahih al-Bukhari, il y a ce hadith-là, Ibn Abbas radiyallahu anhum a dit que le prophète alayhi salatu wasalam a fait la hijama, donc l'a saigné alors qu'il était en état d'ihram, de sacralisation. Donc pendant le hajj ou bien la umrah. Wa ihtajama wa huwa sa'im. Et il a fait la hijama, l'a saigné alors qu'il était en état de jeûne. Alors qu'il était en état de jeûne. Dans un autre hadith, ce hadith-là n'est pas suffisant pour dire que c'est abrogé. An Thabit al-Bunani رحمه الله أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري. Donc selon Thabit al-Bunani رحمه الله, il a dit nous avions demandé à Anas ibn Malik رضي الله عنه est-ce que vous détestiez la hijama pour le jeûneur à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Donc ici Ibn Malik, Anas va donner un avis et l'attribuer à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Il va l'attribuer à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Car parfois, quand un compagnon dit minas sunnati kada, il fait partie de la sunna ceci, et qu'il ne précise pas que c'est l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, chez l'Osuliyin, chez le Muhaqqiqin, chez les vérificateurs de la science du Osul, des sources jurisprudentielles, ils disent que ça n'a pas le statut de Rafa, c'est-à-dire que ça n'a pas le statut d'être un jugement sur l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, parce que la sunna, elle englobe aussi les quatre califes. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Et beaucoup de tabi'i, même de compagnons, disaient minna sunnati kada, surtout l'imam Zuhri par exemple. Ils disaient beaucoup minna sunnati kada, et ils visaient l'époque d'Abu Bakr, de Omar, Osman, de Ali. Donc ce n'est pas suffisant d'entendre d'un compagnon minna sunnati kada. Mais ici il a dit, donc il parle bien de l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, c'est précisé. Il a dit non, on ne la détestait pas, sauf à cause donc de l'affaiblissement. Illa min ajli dhaf, sauf si jamais donc quelqu'un avait peur d'être affaibli, alors à ce moment-là, pour lui, il ne doit pas la faire, car ça risque de l'amener donc à rompre son jeûne par la faiblesse et la fatigue donc qui découlerait de la hijama. Il dit donc aw hijama, si jamais il fait la hijama, aw ihtajama, ou bien qu'il subit la hijama, amidan dhakiran, amidan, donc volontaire, dhakiran, donc en état de conscience, il est conscient, donc il n'est pas, c'est le contraire de l'oubli, c'est pas par donc dhakiran, donc il ne l'a pas fait par inattention, par inattention, donc il était conscient à ce moment-là que il mangeait, buvait, qu'il faisait pénétrer quelque chose par son nez. Il était conscient de tout ce que l'on a cité auparavant. Donc, par « amidan », on sort qui ?« Al-murti », celui qui fait ça par erreur. Donc, celui qui fait la « madmada » et il avale par erreur. Est-ce qu'il a son jeûne annulé ? Non, parce qu'il ne l'a pas fait exprès. Il ne l'a pas fait volontairement. « Hadha min al-khata », ça fait partie de l'erreur. De même, celui qui fait l'istinchaq et qui donc avale de l'eau par son nez, mais de manière involontaire, Inch'Allah, son jeûne est toujours authentique et n'est pas annulé. Donc, quelle est la preuve qui fait qu'on fait sortir la personne qui a fait cela par erreur, donc par khata? C'est d'abord la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ » Et il n'y a pas de désagrément pour vous en ce qui concerne donc vos erreurs, hein, les erreurs que vous avez faites, donc quelque chose que tu as fait par erreur. وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Mais plutôt, donc vous êtes pris à défaut par rapport à ce que vos cœurs ont fait donc de manière volontaire. Donc il a dit, rahmatullahi alayhi, amidan. Donc comment est-ce qu'on a sorti celui qui fait l'erreur? C'est par donc le verset que nous avons cité aussi, le hadith suivant. Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wa-nisyana wa-mastukrihu alayhi, rawahu ibn Majah wa sahahahu Sheikh al-Albani rahmatullah. Donc le prophète alayhi salatu wa salam dit, Allah certes, donc a déchargé ma communauté. Donc ne prends pas à défaut ma communauté en ce qui concerne l'erreur, l'oubli et ce pourquoi ils ont été contraints. Donc trois choses sont citées dans le hadith. L'erreur, l'oubli et ce pourquoi ils ont été contraints, rapporté par Ibn Majah. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Il dit donc « Amidan », celui qui fait ça de manière volontaire voit son jeûne annulé, « Dhaakiran ». Donc en toute conscience. Donc celui qui fait ça inconsciemment, de même, il ne voit pas son jeûne annulé. En raison des hadiths que nous avons dit auparavant. Allah certes a déchargé ma communauté de l'erreur et de l'oubli. Wadnisiyana. Donc si quelqu'un mange par oubli, il oublie que c'était le mois de Ramadan. Ça peut arriver, ça, surtout les premiers jours. Quelqu'un rentre chez lui naturellement, il prend un verre d'eau, il boit. Après, il dit « Subhanallah, Hein, souvent, ça arrive après, ou bien quelqu'un le voit. Quelqu'un le voit, il dit, qu'est-ce que tu fais? Et il ne comprend pas après, sur le coup, il se rend compte qu'il était en état de jeûne. À ce moment-là, il est interdit pour lui d'avaler ce qu'il a dans la bouche, il est obligé de le recracher. Du moment qu'il a eu l'information, il se rappelle que donc c'est le mois de Ramadan, il ne peut pas rajouter ne serait-ce qu'une seule goutte. S'il rajoute une seule goutte, il voit son jeûne annulé, en termes de boisson ou de nourriture. Mais tout ce qui était avant, ce n'est pas pris, incha'Allah, en compte, bihaoulillah. Il y a le hadith authentique à ce sujet-là, où le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit « Iza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawmah fa innama at'amahu Allah wa saqah » ou bien « fa innama at'amahu rabbuhu wa saqah » Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit « Lorsque l'un d'entre vous mange ou boit par oubli, lorsque l'un d'entre vous donc oublie, par oubli il mange ou boit, hein, qu'il continue son jeûne. Donc après s'être rendu compte qu'il a mangé ou bu, qu'il continue son jeûne car c'est son Seigneur qui l'a nourri et abreuvé. » Donc si quelqu'un s'en rend compte à ce moment-là, il est obligé d'arrêter tout de suite et de ne pas rajouter une gorgée, hein, ou bien une bouchée. Mais si jamais il s'en rend compte le lendemain par exemple, il ne rattrape pas la journée, la veille, une journée passée où il aurait mangé par oubli. Alhamdoulilah. Même s'il a mangé une heure à table, entrée, plat principal, dessert, et il ne voit pas son jeûne annulé. Donc ça, c'est l'oubli. Hein, c'est l'oubli. Mais il n'a pas cité le jahl. Il n'a pas cité l'ignorance. Hein, il n'a pas cité l'ignorance. Car dans le madhab, celui qui fait ça par ignorance, hein, il n'est pas pardonné. Il n'est pas pardonné. Bon, certains disent qu'il est pardonné, hein, par l'ignorance. Parce que tant que le hukm shar'i ne t'est pas arrivé, n'est pas arrivé à toi, tu n'es pas censé devoir l'appliquer, parce que tu ne le connais pas, donc tu n'es pas prêt à défaut de par ton ignorance. Et c'est vrai que la charia, dans certains fondements par rapport à certaines notions, montre cela, et d'autres disent que ce n'est pas pris en compte. Hein, que ce n'est pas pris en compte. Allah a'lam, surtout, dans notre ambiance à nous, c'est certain que ce n'est pas pris en compte. Hein, celui qui a un rapport sexuel avec sa femme, hein, pendant le mois de Ramadan, par ignorance, aujourd'hui, même en France, lui, c'est certain, donc il n'a pas fait l'effort d'apprendre. Donc lui, ce n'est pas l'ignorant, un réel, donc qui est soit totalement coupé de la science, ou bien qui vient juste d'entrer en islam. C'est vrai que quelqu'un qui se convertit, en France, qui vient juste de se convertir, le gros des mécréants en France pense que le mois de Ramadan, c'est pas manger, pas boire. Hein? Mais que le rapport sexuel ne fait pas partie de cela, Allah a'lam, la plupart ne le savent pas. Soit ils ne savent pas, soit il y a l'exagération. Certains pensent que c'est interdit même la nuit. On a beaucoup de jeunes, même maghrébins aujourd'hui en France, qui pensent ça. Qui pensent que pendant le mois de Ramadan, tu ne peux pas toucher ta femme, même la nuit. Et c'était le cas au début de l'islam, pas de manière totale, mais lorsque tu t'endormais et que tu te réveillais, donc dans la nuit, tu ne pouvais pas manger, boire et avoir un rapport avec ta femme. Certains compagnons sont tombés là-dedans, dont Omar dans des récits, radiallahu anhu, et c'est le tafsir de la parole « Alim Allahu annakum kuntum tartanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum falana bashiruhunna » وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Allah, hein, savait que vous vous trahissiez, donc en mangeant, buvant et en ayant des rapports. Après, vous êtes réveillé dans le cours de la nuit. Donc c'était quelque chose qui avait été dur pour beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit qu'il vous a pardonné. Donc maintenant, ayez des rapports avec vos femmes, la nuit à n'importe quelle heure. Au début, si tu t'endormais, donc après Salat l'Isha, tu t'endormais, tu te réveillais une heure après, deux heures après, un peu avant le Fajr, à n'importe quel moment de la nuit, tu ne pouvais pas boire, manger, avoir de rapport. Si tu restais éveillé, c'était... Si tu restais éveillé, c'était bon. C'est après le coucher du soleil, tu pouvais faire tout cela jusqu'au Fajr, mais si tu t'endormais, tu te réveillais, tu ne pouvais pas. Donc celui qui fait ça par ignorance aujourd'hui, donc les mufattirat, les annulateurs, là, les annulatifs du jeûne, celui qui les fait aujourd'hui, sans le savoir, Allah a'lam, soit c'est un menteur, soit c'est vraiment quelqu'un qui néglige de manière totale et absolue la science, donc il n'est pas excusé non plus. Quelqu'un aujourd'hui en France qui boit, donc en pleine journée au mois de Ramadan, hein, et qui après veut nous faire croire qu'il n'était pas au courant, Allah a'lam, c'est un peu gros quand même. De même pour manger, de même pour le rapport sexuel, Allah a'lam. Donc tout ça, c'était ce qui annule en termes de sortant et d'entrant. En termes de sortant et d'entrant. Donc on répète, manger, boire, faire pénétrer par le nez. Manger, boire, faire pénétrer dans quelque chose par le nez. Faire pénétrer quoi que ce soit par quelque endroit du corps, ça c'est dans le madhhab, nous on a dit qu'on prenait en compte que la bouche et le nez pour dire qu'il y a eu entrée, donc annulatrice du jeûne. Awistaqa afaqa, si la personne provoque le vomissement et qu'elle vomit de manière effective, alors elle doit rattraper cette journée. Si jamais elle vomit de manière involontaire, ça n'annule pas. D'accord ? Mais elle est obligée de cracher le vomi. Si jamais elle ramène ce vomi-là, ça annule le jeûne, qu'elle ait provoqué ou non. Hein. Si jamais la personne se masturbe, ça annule le jeûne ? S'il y a sorti de sperme, ça annule le jeûne. Mais la masturbation est interdite, qu'il y ait sorti ou non de sperme. Aw qabbala aw lamas, si jamais il embrasse sa femme et qu'il y a éjaculation, ou bien sorti de liquide pré-éjaculatoire dans le madhab, donc c'est annulateur du jeûne. De même s'il touche sa femme et qu'il y a sortie de sperme, ou bien qu'il y a sortie de liquide préjaculatoire, aussi ça annule le jeûne. On a oublié la pensée « au fakkara ». Aussi ça tu le trouves dans Zad al-Mustaqni', un autre texte du Mazhab Hanbali. « Fa'anzel » si jamais il pense, hein, donc il imagine des scènes sexuelles ou autres, des choses qui provoquent son désir et qu'il éjacule. Certains savants disent que non, ici, comme il n'y a pas contact donc matériel, ça n'entre pas dans l'annulation du jeûne. Mais Allah a'lam, si lui provoque hein, cela, donc il provoque des pensées pour pouvoir attiser son désir et qu'il y ait éjaculation, il y a annulation du jeûne. Mais si jamais il regarde une femme, comme ça le premier regard, et qu'après il a des pensées, hein, et qu'il n'arrive pas à les couper, s'il arrive à les couper, et qu'il ne les attise pas, qu'il ne les nourrit pas, et qu'elle continue, prenne le dessus sur lui, et qu'il éjacule, ça n'annule pas le jeûne. Parce que c'est plus difficile, ce qu'on appelle la lisse et l'ihtiraz, c'est plus difficile de se protéger de la pensée que de toucher. Parce que toucher, c'est ta main. Tu l'avances, tu la recules. Hein? Le baiser, c'est pareil. C'est tes lèvres, tu les poses ou tu ne les poses pas. Mais la pensée, hein, parfois c'est difficile, ça prend le dessus et on n'arrive pas à les repousser. Mais si jamais il nourrit les pensées, hein, alors il y a annulation du jeûne. Si jamais il répète le regard, on avait donné donc le détail, si jamais il répète le regard et qu'il éjacule, il y a alors annulation du jeûne, et même s'il y a sorti de liquide préjaculatoire selon le madhhab, wallahu a'lam. Mais si jamais c'est le premier regard, donc sur sa femme ou bien même sur une femme qui n'a pas le droit de regarder à la base mais qui l'a regardé de manière hasardeuse entre guillemets, donc alhamdoulilah, ce n'est pas interdit. Quand je dis coïncidence par hasard, vous m'avez compris, c'est pas une remise en question du qadar, ce qu'on appelle sodfatan en arabe, même si c'est mieux de délaisser ces termes là mais c'est pour qu'on comprenne bien qu'il y a eu coïncidence dans le sens linguistique, trait d'union, incidence. À la base, coïncidence, c'est collé. Vous comprenez quand je dis co, trait d'union, incidence. C'est, il y a eu, donc, la pose du regard sur cette femme-là, comme ça, de manière involontaire. Cheikh Al-Othaymine a donné un avis sur le mot sodfa, hein, donc, par hasard, en arabe. Il a dit, tant qu'on ne vise pas le qadar d'Allah Azzawajal, hein, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est permis. Les gens, quand ils disent aujourd'hui par hasard, ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas dire par hasard dans l'Lawh al-Mahfouz, ce n'était pas écrit. Quoi. Ça, c'est du kufr akbar. Ils veulent dire par hasard, c'est-à-dire on n'avait pas prévu de se rencontrer. Moi, je venais comme ça avec une intention, acheter une baguette. Toi, tu es venu avec une autre intention, venir récupérer ton enfant à l'école. Et moi, je venais acheter une baguette et toi, tu venais récupérer ton enfant. et on s'est croisé avec deux intentions différentes, il y avait quelque chose d'autre. Donc ça ne veut pas dire que dans le qadar d'Allah, ce n'était pas prévu bien sûr. Il dit ensuite, « إِنْ فَعَلَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا لَمْ يُفْسِدْ صَوْمُهُ » Et si jamais il fait cela par oubli, ou bien « مُكْرَهًا » par contrainte, son jeûne n'est pas annulé. Donc par oubli, on a donné le hadith de celui qui boit ou mange par oubli, qu'il termine son jeûne car c'est son Seigneur qui l'a nourri et abreuvé, et celui qui le fait par ikrah aussi. Et l'ikrah, bien sûr, ça n'entre plus dans le, on n'est plus dans le teklif lorsqu'on est mukrah. Lorsqu'on est mukrah, on n'est plus mukallaf, si ce n'est, donc lorsqu'on nous, lorsqu'on nous oblige à faire du kufr, Allah dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Donc celui qui est astreint à faire du kufr, il lui est permis de faire du kufr par la langue ou par l'acte, mais pas par le cœur, car les gens ne peuvent pas te forcer à croire quelque chose avec ton cœur. Le cœur est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ne peuvent pas l'atteindre. Donc ici, lorsqu'il dit aw mukrahan, donc quelqu'un peut être obligé de, peut-être forcé à rompre son jeûne. Quelqu'un peut te dire, tu romps ton jeûne aujourd'hui ou je te tue. Donc à ce moment-là, il est permis, voire même obligatoire, Allah a'lam, de rompre son jeûne. Donc celui qui fait par oubli ou par contrainte tout ce qui a été précédé, il ne voit pas son jeûne annulé. Il dit ensuite, donc après il va nous amener beaucoup de cas qui tous en réalité sont englobés sous la même famille. C'est des cas qui sont faits de manière involontaire. Tout ce qui va être dit là, c'est des choses que la personne fait donc de manière involontaire. Il ne peut pas donc aller à l'encontre de ce qui va être cité. Donc il est normal qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le prenne pas à défaut. Ne le prenne pas à défaut. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge une âme que ce qu'elle peut supporter. Il dit wa in tara ila halqihi dhubab. Si jamais une mouche entre dans sa gorge. Donc les exemples qui sont donnés, c'était des exemples d'époque. Ça peut être autre chose aujourd'hui. Aw rubarun, ou bien de la poussière. Aw tamadmada aw istanshaqa fa wasala ila halqihi ma'un. Et s'il fait la madmada, donc il fait bouger l'eau dans sa bouche pour les ablutions, aw istanshaqa, ou bien il nettoie son nez en aspirant de l'eau, fa wasala ila halqihi ma, et que de l'eau atteint donc sa gorge. Ou fakkara fa anzal, ou bien donc il a eu une pensée et qu'il a éjaculé, ou qatara fi ihlilihi, ou bien s'il fait pénétrer donc des gouttes, donc ça c'était des médicaments à l'époque, il se soignait de cette manière-là, il le mettait des gouttes dans l'urètre, donc le canal qui se trouve dans le pénis, ou ihtalama, ou bien si jamais donc il a eu une éjaculation lors du sommeil, ou dhara'ahu al-qay, ou bien que le vomi a pris le dessus et qu'il est sorti. Donc de manière involontaire, lam yafsud sawmuh, ou bien lam yufsid sawmah, on peut dire les deux. Lam yafsud sawmuh, son jeûne n'est pas annulé. Lam yufsid huwa, lui n'annule pas sawmah, son jeûne. Donc tous ces cas qu'il a donnés ici, si jamais quelqu'un marche dans la rue et qu'une mouche rentre dans sa bouche, une abeille, une guêpe, peu importe, après lui il a dit Zoubeb, tout ce qu'il dit c'est simplement pour que tu tires une règle. Donc la personne marche dans la rue, elle marche bouche ouverte, hélas, et une mouche rentre dans sa bouche, et elle va dans sa gorge. Est-ce que son jeûne est annulé? Non. Pourquoi? C'est quoi le délil? Parce qu'il y en a, ils vont dire, wakulu ashrabu, il a mangé. Wakulu, on a dit, même si c'est une mouche qui rentre, ça, c'est de la nourriture. Voilà, c'est pas amdan, c'est pas khata, c'est par erreur. Donc là, c'est même pas khata, c'est de manière totalement involontaire. Là. Donc, na'am, là, il n'y a pas de doute que son jeûne donc, n'est pas annulé. Il dit, ou bien de la poussière, pareil. Si quelqu'un passe devant un chantier, il y en a un qui fait au marteau-piqueur, il entend trouer le sol. Et toi, tu passes et tu inhales la poussière. Ton jeûne, il est annulé? Non, ton jeûne n'est pas annulé. En revanche, si tu es sur le trottoir d'à côté, il n'y a rien. Et après, tu traverses la route pour aller inhaler. Là, c'est annulé ou pas? Non. Ah, mais là, tu as inhalé volontairement quelque chose dont tu pouvais te protéger. Celui qui C'est qu'au marteau piqueur. Il y a un fatwa, fait un imam masque. S'il peut mettre un masque, il met un masque. La cigarette. Aussi, ça annule la cigarette, ça annule. Il dit ou bien s'il fait la madmada. Donc pendant les ablutions, il bouge l'eau dans sa bouche, il la remue et l'avale par erreur, son jeûne n'est pas annulé. De même s'il fait pénétrer de l'eau dans son nez par erreur qui va jusque dans la gorge, donc il fait l'istinchar, il aspire de l'eau et ça entre dans la gorge par erreur. Il n'avait pas prévu, lui, donc de faire entrer. Eh bien, alhamdoulilah, son jeûne n'est pas annulé. Aoufak karafa anzel, ou bien s'il pense, donc il pense à des choses, hein, et il éjacule. Nous, on a dit, il y a des tailles. Hein, certains disent, donc c'est ce qui paraît être l'avis ici du texte, c'est que de manière totale, ça n'annule pas. Mais celui qui provoque cela, hein, donc il s'assoit, il dit, tiens, je vais penser un peu à des choses, hein, qui vont provoquer mon désir. Et ensuite, il éjacule. On lui dit, non, ton jeûne n'est pas annulé. Non, son jeûne est annulé, car il a provoqué l'éjaculation. Il dit, qatara fi ihlilihi, ou bien si jamais il donc, met des gouttes dans son urètre, hein, donc dans le canal qui se trouve au niveau du pénis, là même dans le madhab, hein, ça n'annule pas. Alors que tout en haut, il avait dit, de quelque endroit que ce soit, s'il y a un entrant, liquide ou solide, ça annule le jeûne. Mais il y a exception du ihlil ici, car ils disent que ça n'amène pas donc au jaouf, à l'intérieur du corps, et notamment à l'estomac. Mais nous, on avait dit, comme on prenait en considération que la bouche et le nez, donc c'est clair que celui qui fait pénétrer quelque chose, un médicament par exemple, par son urètre, il n'y a rien pour lui comme conséquence. Ah oui, ihtalama, si jamais donc il a une éjaculation la nuit. Donc si jamais il a une éjaculation la nuit, hein, c'est certain qu'il n'y a pas annulation de jeûne. Pourquoi ? Celui qui dort, il est responsable ? Non, on a vu le hadith. Rufi al-qalamu, rufi al-qalamu, an thalath. Donc la plume, elle ne fonctionne pas pour trois personnes. Et cette personne-là, donc, qui est en état de janaba, hein, bien sûr, elle doit faire son rousse pour faire la salat subh. Mais si jamais le soleil se lève et qu'il est encore en état de janaba, son jeûne est authentique. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, hein, se réveillait le matin, il était en état de janaba, hein, de grande impureté, alayhi salatu wassalam. Comme nous le rapporte Aisha et Umm Salama, elle dit, « In kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yusbihu junuban min jima'in ghayr ihtilamin fi ramadan thumma yasum. » Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith est dans le Bukhari Muslim, Aïcha et Umm Salama nous disent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se levait le matin, hein, et il était en état de janaba en raison d'un rapport et non pas d'un ihtilam, et non pas d'un rêve, bien d'une éjaculation durant le sommeil, mais en raison du rapport, donc pendant le mois de Ramadan, et il jeûnait ensuite, et il jeûnait. Donc le soleil s'était levé, il était donc en état de janaba. Donc il dit aussi, si le vomi prend le dessus et qu'il sort, donc de manière involontaire, de même, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en considération cela et le jeûne n'est pas annulé. Il dit, وَمَنْ أَكَلَ يَظُنُّهُ لَيْلًا فَبَيْنَ نَهَارًا أَفْطَرَ. Et celui qui mange, en ayant une pensée prépondérante que c'est la nuit, puis il se rend compte que c'est le jour, aftar, son jeûne est annulé. C'est quelqu'un qui en réalité avait rompu son jeûne. Et il dira ensuite, وَمَنْ أَكَلَ شَاكًا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ. Et celui qui mange en état de doute, et le doute chez le fuqaha, on va voir que ce n'est pas le doute chez les savants de Usul Fiqh. On en avait parlé dans un dars auparavant, dans le dars concernant les ablutions. Lorsqu'on avait parlé de la règle de celui qui doute, est-ce qu'il a les ablutions ou pas. Le mot shak chez les fuqaha, ce n'est pas le mot shak chez les savants de Usul Fiqh. Il dit, celui qui doute en doutant que le soleil, et celui qui mange en doutant que le soleil s'est couché, son jeûne est annulé. Donc premier cas, celui qui mange en pensant que c'est la nuit. Donc c'est la nuit. Il y a eu Salat al-Maghrib, il a fait Salat al-Isha, il a fait les Tarawih, il est rentré à la maison, il s'est endormi, il se réveille une heure avant le Fajr. Il mange. Puis, il continue de manger mais il n'a plus désormais la certitude que c'est la nuit. Quand il s'est réveillé, il a la certitude. Il est à 100%. Il continue de manger, mais il passe à un état où il est en pensée prépondérante maintenant. Il est en pensée prépondérante. 99%, 98%, 97%, jusqu'à 51%. Il est en pensée prépondérante qu'il fait toujours nuit. Mais il n'en est pas sûr. Il n'en est pas sûr. Il n'a pas l'heure, il ne peut pas regarder par la fenêtre, etc. Ou il ne l'a pas fait. Donc il a une pensée prépondérante que c'est toujours la nuit. Donc il mange et après il se rend compte qu'il avait mangé le jour. Aftar. Son jeûne est annulé. C'était quelqu'un qui avait rompu son jeûne. Parce que la base, c'est l'interdiction de manger et de boire. La personne est en état de certitude qu'elle est dans la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa kulu » et « mangez »« Wa shrabu » et « buvez »« Hatta » jusqu'à ce que. Donc la permission de boire et de manger, elle a lieu jusqu'à quand ?« Hatta yatabayyana » Allah il a dit « Hatta yabina » jusqu'à ce qu'apparaisse le fil blanc du fil noir. Il a dit « Hatta yatabayyana » Ça c'est plus fort que « Hatta yabina » C'est-à-dire jusqu'à ce qu'apparaisse de manière sûre sur le fil blanc. Hein? Lui, donc il a mangé avec une pensée prépondérante qu'il est toujours dans la nuit. Hein? Il n'est pas sûr d'être entré dans le jour, parce que s'il était sûr d'être entré dans le jour, il ne pourrait pas manger. Il ne pourrait pas manger, il se serait interdit cela. Mais il n'est plus sûr d'être dans la nuit. Donc une fois qu'il est plus sûr d'être dans la nuit, il lui est désormais interdit donc de manger. Parce que la base, c'est que il faut être... c'est permis de manger et de boire jusqu'à ce que le fil blanc se lève. J'étais clair, j'étais un peu brouillon. C'est compris ? Donc le deuxième cas... C'est le cas contraire. C'est désormais, il est permis, il est interdit de manger et de boire, et on va passer à un état où il est permis de manger et de boire, donc al-iftar, la rupture du jeûne. Il dit وَمَنْ أَكَلَ شَاكَنْ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ Celui qui mange en doutant, hein, en doutant que le soleil s'est couché. Que le soleil s'est couché. Ici, le doute, ce n'est pas 50%. Je pense que le soleil s'est couché, 50% je pense qu'il ne s'est pas couché. Le shak chez les fuqaha, c'est le doute des savants du usul fiqh, 50-50, et en plus le dhan de 51% jusqu'à 99%. C'est compris ? Donc le shak chez les fuqaha, le shak chez les savants du fiqh, chez les jurisconsultes, il est plus large que le doute chez les savants de usul fiqh, des sources jurisprudentielles. C'est leur doute à eux, 50-50, plus 51 jusqu'à 99. Vous avez compris quand je dis 51-99 ? On a deux notions. Le soleil s'est couché, le soleil s'est pas couché. 50% à chacun, ça c'est le doute. Une fois que je pense à 51% que le soleil s'est couché, donc je pense à combien de pourcents que le soleil ne s'est pas couché ? 49, 52, 48, 53, 47. 99 ? 1. D'accord ? Donc, celui qui a 51%, c'est un « dhan rajih », pensée prépondérante. L'autre, c'est un « dhan marjouh ». 49 jusqu'à 1, c'est le « dhan marjouh » ou bien le « wahm ». Bien le « wahm ». Donc ici, quand il dit « et si la personne mange en doutant sur le fait que le soleil s'est couché, en doutant sur le coucher du soleil », ça veut dire qu'il pense à 50% ou bien de 51 à 99. Donc ici, si jamais il mange en doutant du coucher du soleil, fasada sawmuhu. Fasada sawmuhu. Son jeûne, il est nul. Son jeûne, il est nul. Donc là, il lui est pas permis de manière absolue de manger. Il n'est pas permis de manière absolue donc de manger tant qu'il n'est pas sûr que le soleil s'est couché. tant qu'il n'est pas sûr que le soleil s'est couché, c'est interdit pour lui de manger. Si jamais, donc, il mange à ce moment-là, hein, il mange sans avoir la certitude que le soleil s'est couché, quel est le statut de son jeûne ? Annulé mutlaqan. Car ce n'est pas permis pour lui. Ça, c'est une niya de iftar. Il a eu l'intention de rompre son jeûne. Il dit, je pense que le soleil s'est couché. Non, tu n'as pas le droit de rompre ton jeûne jusqu'à ce que tu en aies sûr. Jusqu'à ce que tu en aies sûr. Donc, soit par les signes qui t'entourent, par l'heure, ou par ta pensée prépondérante. Donc, il faut que tu sois sûr. Là, tu es certain. Donc, peut-être tu as dépassé d'une demi-heure, Ghuroub Shams. Peut-être tu as dépassé d'un quart d'heure, peut-être d'une heure, Allah alam. Mais il faut que tu sois certain que, Inch'Allah, c'est le ghuroub pour pouvoir manger. Allah alam. Donc la différence entre les deux cas, hein, c'est que le premier cas, il n'est pas... donc il dit, si jamais il mange, en ayant une pensée prépondérante que c'est la nuit, et ensuite il se rend compte que c'est le jour, il a rompu son jeûne. Ici, on ne prend en compte que le dhan rajih, pas le doute. Hein? Pas le doute. Alors que dans l'autre, on prend en compte le doute et le dhan rajih. Donc, bismillah, ça c'était les règles à peu près majoritaires concernant ce qui annule le jeûne. Après, concernant les cas particuliers, Inch'Allah, il faut revenir vers les fatwas. Il y a les fatwas classiques qu'on demande. Hein, c'est concernant la ventoline, donc pour les asthmatiques. Allah alam, il y a divergence, forte divergence dessus. Parce que ça entre par la bouche. Après, il y a divergence. Est-ce que c'est vraiment que de l'air ou bien est-ce que ça comporte des particules ? Est-ce que ça passe par la trachée artère ou bien simplement par l'œsophage ? Donc, est-ce que ça va tout de suite au poumon sans passer par la trachée ? Donc, est-ce que ça passe par l'œsophage pour aller à l'estomac ou bien est-ce que ça passe seulement par la trachée pour aller au poumon? Après, qu'est-ce que le jaouf? Est-ce que le jaouf c'est simplement système digestif ou bien tout l'intérieur du corps? Donc c'est une longue divergence. Nous, Inch'Allah, on apporte simplement la fatwa de la lejna da'ima, le conseil permanent. Biiznillah Azza wa Jal, il y avait Cheikh Ibn Obez dans la présidence, Cheikh Al-Rudayyan et Abdarzak Afifi. Ils ont dit qu'il y avait une forte divergence, mais que Inch'Allah, ça n'annulait pas le jeûne. Bihaoulillah. Mais si un asthmatique peut se passer de se mettre de la ventoline parce que la journée est courte, Inch'Allah, hein, c'est mieux pour lui. Mais si vraiment il n'a pas le choix, qu'il est obligé de se mettre quelques coups de ventoline de temps en temps, ben Inch'Allah, bihaoulillah, il a cette fatwa-là. Mais la divergence est assez forte, mais bidnillah azza wa jal. Inch'Allah, ça n'annule pas le jeûne. Concernant la cigarette, ça c'est extrêmement clair qu'il y a des particules très fortes. D'ailleurs, on voit l'état des poumons, hein, de quelqu'un qui a fumé 5-10 ans. Lorsqu'on voit des radios pulmonaires de personnes qui fument fréquemment, les poumons sont tout noirs. Et pourtant, les gens qui respirent l'air n'ont pas leurs poumons noirs. Pour quelle raison ? Parce que l'air ne comporte pas de particules, et notamment ces saletés-là. Alors que la cigarette comporte tout ce que l'on connaît, goudron, nicotine, etc. Donc, qui entrent dans le corps et qui sont de la matière. Donc, ça entre dans l'ekl. Ça entre dans le mufhum du ekl qu'on avait donné dans le manger. C'est une forme de nourriture. Sans parler du fait que c'est haram, bien sûr, que c'est illicite. Donc le musulman doit délaisser cela, que ce soit le ramadan ou non. Et il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et on craint pour ces gens-là, notamment lorsqu'ils sont après en situation de cancer, qu'ils n'entrent dans la parole d'Allah azza wa jal. Wa la taqtulu anfusakum. Et ne tuez pas vos propres personnes. Inna Allaha kana bikum rahima. Allah est tout miséricordieux avec vous. Donc ça c'est concernant la cigarette. Après, concernant les vaccins par exemple. Hein, les vaccins. Donc nous, qu'est-ce qu'on a dit dans notre dars, mes frères ? Voilà, nous, l'entrant c'est la bouche et le nez. Donc le vaccin, bihaoulillah azza wa jal, il n'est pas annulatif. D'autant plus que ça n'entre même pas dans le sens de la nourriture. Donc le vaccin n'est pas nourrissant. Certains savants donc rendent annulateurs les choses qui entrent donc par les veines ou bien par les muscles, notamment lorsqu'ils sont nourrissants. lorsqu'ils sont nourrissants. Mais le vaccin ne nourrit pas, ça c'est certain. Ensuite, concernant la perfusion, hein, la perfusion, donc ce n'est pas toute perfusion en centre hospitalier aussi qui nourrit. Il y a des perfusions, c'est des petites gouttelettes hein, qui n'ont pas pour but de nourrir. Parfois, c'est un peu de morphine. Hein. Et parfois, c'est vraiment quelque chose qui remplace la nourriture. Donc, le malade peut vivre des mois avec cela. Donc là, certes, effectivement, ça a le sens de nourrir. Allah a'lam, l'ilmu indallah azza wa jal. C'était quelque chose notamment qui n'existait pas au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Une perfusion qui permet à la personne de se nourrir. Allah a'lam al-ahwat, le plus sûr, c'est inshallah de rattraper ces journées-là, Allah a'lam. Après, aller au dentiste aussi, c'est une question classique. Donc, aller au dentiste, est-ce que c'est permis ou pas? Est-ce qu'on avale quelque chose? Est-ce qu'on se faire soigner une dent pendant le mois de Ramadan? Tant qu'on n'avale pas, naam, ça n'entre pas, ça n'annule pas le gène. Après, si on a une pensée hein, d'aller, si on a une pensée qu'on va avaler quelque chose, parce que ce n'est pas la première fois qu'on va au dentiste, on y a déjà été en dehors du Ramadan, donc on se connaît, hein, on sait qu'on a l'habitude d'avaler quelque chose, donc là, à ce moment-là, ce n'est pas permis. Mais habituellement, on n'avale rien quand on va au dentiste. S'il y a anesthésie au niveau de la gencive non plus, ça n'annule pas. L'anesthésie, ça n'annule pas. Et le fait d'arracher une dent, ça n'annule pas. Le fait de soigner une dent, ça n'annule pas. Et quand on se nettoie la bouche, il nous donne du liquide pour se nettoyer, on le recrache. Et alhamdoulilah, ça n'annule pas. Et la limite séparatrice entre l'intérieur et l'extérieur du corps au niveau de la bouche, c'est la luette. Hein? Donc c'est la luette. Qui est le morceau de viande qui pend en haut du palais. Donc la madmada n'annule pas le jeûne tant qu'il n'y a pas absorption parce qu'on ne va pas au-delà de la luette. Une fois qu'on a passé la luette, alors à ce moment-là, on entre à l'intérieur du corps. Et concernant aussi les glaires. Les glaires. Donc les glaires, lorsque quelqu'un a des glaires qui remontent soit donc de la poitrine ou bien qui descendent de la tête, hein, la personne, si jamais elle voit cette glaire-là ressortir de la gorge, donc dépasser la luette et pénétrer la bouche, il est interdit pour lui de l'avaler. S'il l'avale, il annule son jeûne. Si jamais il avale une glaire donc qui est sortie de la poitrine, de la tête, qui a dépassé la luette et qui est venu donc se positionner dans la bouche, s'il la ravale, c'est comme le vomi. Ça annule le jeûne. D'accord ? Si jamais ça reste simplement dans la gorge et qu'il la ravale, elle remonte de la poitrine à la gorge et qu'il la ravale, alhamdoulilah, ça n'a aucune conséquence, inshallah. Concernant la salive, le fait d'amasser sa salive et ensuite de l'avaler. Et ça peut arriver chez le dentiste. Parfois, on garde la bouche ouverte. On a la bouche ouverte pendant que lui fait ce qu'il a à faire. Ensuite, cette salive, on risque de l'avaler. Donc, si elle est pleine de sang, on ne peut pas l'avaler là. Si jamais il n'y a pas de sang, il n'y a pas eu de saignement et que j'avale cette salive là, non, il n'y a pas de problème. Donc là, je parlais du cas du dentiste. Mais dans le quotidien, si quelqu'un amasse sa salive dans sa bouche et l'avale, ça c'est makro. Dans le madhab, c'est makro. Parce qu'à la base, la salive, elle est murtafara, c'est pardonné, c'est quand même quelque chose qui entre de l'extérieur hein, vers l'intérieur, parce qu'on a dit que la base, c'est la luette. Et la salive, elle prend naissance au-delà de la luette et ensuite elle est avalée. Mais comme c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser et qui est tout le temps avec l'être humain, Allah ne nous a pas ordonné de recracher toute notre salive toute la journée. Ce que croient certains, j'ai déjà croisé des gens, moi, hein, qui croyait ça. Donc, la salive, l'avaler de manière ordinaire, bien sûr, c'est tout à fait normal, il n'y a rien par rapport à cela, mais l'amasser et l'avaler, c'est makro. Parce qu'on sort de l'état ordinaire dans lequel on est, donc c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Si jamais cette salive-là est sortie, Quelqu'un prend sa salive sur la langue, tire la langue, hein? Tire la langue, et la fait pénétrer, et l'avale, il annule son jeûne. Parce que la salive, elle était pardonnée, il était permis de l'avaler, et ce n'était pas pris en compte tant qu'elle était dans la bouche. D'accord ? Si quelqu'un amasse de la salive, la met dans un verre et l'avale, il a annulé son jeûne, sa propre salive. C'est compris, Inch'Allah. Donc il faut différencier la salive des glaires. Les glaires sont à l'intérieur. Si elles dépassent l'aluette, elles sont ravalées, ça annule. La salive, c'est si ça dépasse la bouche, ça dépasse la bouche et que ça entre, qu'après ça annule. Wallahu a'lam. Concernant le fait de se brosser les dents. Concernant le fait de se brosser les dents, c'est soumis à la règle qu'on a dit. Tant que ça ne dépasse pas l'aluette, bi'iznillahi azza wa jal, inshallah, donc c'est permis. Hein, tout comme le siwak, c'est permis, qu'il soit naturel ou bien parfumé, du moment qu'on n'avale pas cela. Donc le siwak qui est parfumé, il ne faut pas l'utiliser avant l'iqama de la prière, parce qu'on ne pourra pas avaler notre salive sinon. Si jamais on absorbe la sève qui est mélangée, aromatisée au citron ou à la cannelle, etc., comme c'est le cas de certains siwak aujourd'hui, je ne pourrais pas avaler cela. Et même si c'est une sève naturelle de siwak, il y a le siwak sec et il y a le siwak humide. Donc le siwak sec, il ne laisse rien, mais le siwak qui est très humide, même naturel, et qui, si je le suce, donne de la sève, je ne peux pas me le passer et sucer. Si je le passe comme ça simplement, il ne laisse quasiment rien. Mais si jamais je suce la sève naturelle qu'Allah a mis dans ce siwak-là, je ne peux pas non plus l'avaler car c'est une nourriture. Ensuite, je bois quelque chose, c'est une boisson. Donc concernant le fait de se brosser les dents, même avec du dentifrice, c'est permis, Inch'Allah. Mais il faut vraiment mettre une petite quantité pour celui qui veut le faire. Hein, qui veut et puis... qui doit, moi je dirais même, parce qu'il faut éviter, Inch'Allah, il y a de forts risques quand même que ça passe à travers l'aluette. Mais ça reste permis tant que la règle est respectée, que le dentifrice ne dépasse pas l'aluette. Donc c'est permis, Inch'Allah, et il faut vraiment faire attention à ce que ça ne dépasse pas l'aluette, Inch'Allah. Et si ça dépasse l'aluette, il y a alors jeûne annulé, si... ça a été volontaire, si c'est par erreur, c'est comme la madmada, Inch'Allah. Inch'Allah, concernant aussi le fait de se parfumer, donc c'est permis, bihawlillah azza wa jal. Et concernant la femme, donc bien sûr, c'est interdit pour la femme de se parfumer en dehors de son domicile. Donc, il est permis pour l'homme comme pour la femme de se parfumer lors du ramadan, l'homme à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, car l'istihbab, le caractère recommandé du parfum, donc ne peut être ici spécifié simplement par le jeûne, car on n'a pas de preuves. Mais concernant la femme, c'est permis à la maison pour son mari, si elle est avec son mari seulement, ou en famille, mais s'il y a des hommes étrangers, elle ne peut pas non plus se parfumer, même chez elle. Même chez elle, elle ne peut pas se parfumer si les hommes invités par le mari vont sentir cette odeur-là. Ensuite, on a aussi le fait de se mettre donc des produits sur les cheveux, par exemple se mettre, se huiler les cheveux, on n'a pas de dalil par rapport à ça et ça n'entre pas donc dans le fait de manger ou boire. Donc boire de l'huile par la bouche, oui, ça annule le jeûne. Faire pénétrer de l'huile par le nez, oui, ça annule le jeûne. Mais même si on s'en met dans les cheveux et que ça entre par les pores, P-O-R-E-S, de la tête, alhamdoulilah, ça n'annule pas le jeûne, car ça n'est pas de la nourriture ou de la boisson. Donc on peut se huiler les cheveux pour l'homme comme pour la femme. Les nez aussi, donc que la femme met ou l'homme pour changer le chib, comme c'est recommandé, le prophète alayhi salatu wassalam a dit de changer les poils blancs par les nez, il le faisait alayhi salatu wassalam pour aller à l'encontre des juifs. Donc ça n'entre pas, inshallah, dans ce qui annule le jeûne, bien sûr. Donc que ce soit la barbe ou que ce soit les cheveux de la tête. Aussi le fait de goûter la nourriture, notamment la maman lorsqu'elle prépare la nourriture pour son mari, ses enfants. Donc lorsque les femmes musulmanes veulent goûter, elles le peuvent. Elles peuvent goûter Alors, même l'homme, hein, bien sûr. Donc un homme ou une femme qui a besoin de goûter une nourriture, hein, il lui est permis, Inch'Allah, mais il doit bien sûr recracher, ne pas avaler cela, bihaoulillah azza wa jal. Inch'Allah, un dernier conseil, c'est notamment par rapport au sommeil. Donc pendant le mois de Ramadan, beaucoup de personnes, hein, ont une logique qu'ils appellent tuer le temps pendant le mois de Ramadan. Donc qui consiste à dormir, qu'Allah nous préserve de cela, en très grande quantité pendant le mois de Ramadan. Hein, il faut savoir, on avait parlé de cela lors du premier cours, qu'il est important de faire la prière à l'heure pendant le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, il a un esprit, hein, donc c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour concrétiser, hein, la piété, la'allakum tattaqoun, afin de concrétiser la taqwa, et dormir pour pouvoir passer le temps et se débarrasser des éventuelles contraintes que comporte la faim, la soif, et le fait de délaisser, hein, le rapport avec sa femme, certes, ça c'est, ce n'est pas l'esprit du musulman, et ce n'est pas l'esprit de la ubudiyya, de la servitude, qui est, comme on sait, rayatul dhul ma'a rayatil mahabba. C'est la soumission extrême avec l'amour extrême. Donc celui qui veut passer sa journée à dormir pour pouvoir le plus rapidement possible atteindre al-maghrib, le coucher du soleil, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout compris le sens du mois de Ramadan. Et un point important, celui qui dort en laissant sortir toutes les prières, hein, et notamment s'il sort le matin et qu'il fait sortir le dhuhr et l'asr jusqu'au ghuroub, il est sorti de l'islam. Et entre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bayna ash-shirki wal kufr wa bayna ar-rajuli wa ash-shirki wal kufr tarku as-salah. Il y a entre l'individu et l'associationnisme, la mécréance, le délaissement de la prière, et il entre aussi dans la parole, faman tarakaha faqad kafar, celui qui délaisse la prière a certes mécru. Et si on a dit le dhuhr jusqu'au maghrib, on n'a pas dit le dhuhr jusqu'à asr, car c'est un waqt mushtarak, c'est une période donc qui est associée. C'est pour cela qu'on peut sortir le dhuhr de son heure en voyage et l'amener jusqu'à la fin du asr, comme salam. Donc il est important pour le musulman de ne pas annuler son jeûne et encore moins son islam, hein, lors du mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan n'est pas un mois pour dormir, mais c'est un mois que l'on doit remplir de lecture du Coran, de dhikr, de khair de manière générale, en visitant ses proches, en apprenant le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, en priant, évoquant Allah, lisant le Coran, méditant sur son contenu. Et tel est le jeûne des salafs rahmatullah alayhi, mais ce n'est pas passer son temps à dormir. Wallahu a'lam.